Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, une petite nouvelle écrite par un écrivain d'Épinal et les dessins sont faits par Arnaud S. Maniac. Alors, sur un tout petit bouquin rigolo comme tout que j'ai trouvé à Fantastica, leur petit stand à la bibliothèque du Grimoire. Voilà. Je vais donc commencer. Elle s'appelle, déjà que je vous dise, La chose d'Eos et elle est parue sur un petit fascicule édité par les artistes fous associés. Bien. Donc la chose d'Eos. Leurs corps nus roulèrent de côté, et ils restèrent un temps là, haletants et dégoulinant de sueur. Ah, l'amour après une dispute, c'est ce qu'il y a de meilleur, lui avait dit un jour une amie. Cynthia ne pouvait qu'approuver. C'était devenu une sorte de routine. Des disputes à intervalles réguliers, pour des motifs ridicules, suivi d'intenses réconciliations sur l'oreiller. 2 mois que Paul était revenu de sa mission sur la ceinture d'astéroïdes. 2 mois qu'il voyait leur couple se déliter. Les choses avaient changé entre eux. Ils avaient changé. Leur déménagement hâtif sur la colonie HRG de la planète ECM42 n'était qu'un expédient. Il voulait se donner l'illusion d'un nouveau départ. Mais la semaine de voyage nécessaire à bord de cette navette personnelle, fournie par la compagnie et la promiscuité qui en découlait, ne faisait que révéler combien leur couple battait de l'aile. Paul poussa un soupir, puis un gémissement. « Tu as encore mal ?» demanda Cynthia. Dans une grimace, il fit non. Le déni, encore une fois, et la bête fierté masculine de ne pas montrer sa douleur. Cela traînait depuis son retour de mission. Il souffrait régulièrement de migraines et de courbatures. « Tu devrais en parler à la HRG, » dit Cynthia. « Tu as dû être exposé à quelque chose à ton travail, peut-être dans le minerai que tu analysais, quelque chose de radioactif. »« Mais non, » répondit Paul avec lassitude. « Parle-leur-en quand même, » insista-t-elle. « Tu n'y connais rien, » finit-il par lâcher en se levant d'un bond. « Je suis quand même mieux placé que toi pour savoir si je vais bien, non ?» Il grogna et passa dans ce petit recoin de la navette qui servait d'infirmerie, où il prit un comprimé. Cela calmait ses douleurs, certes, mais ça le fatiguait et jouait sur son humeur et sur leur relation de couple. Heureusement, il leur restait le sexe. L'impulsion électrique d'alarme les tira de leur torpeur. Ils s'étaient tous deux mis en état de stase dans leur sarcophage de verre. Un sommeil artificiel qui pouvait durer jusque 100 heures d'affilée, faisant paraître le voyage moins long. Encore tout ensommeillé, Paul se leva, tituba parmi les violentes lumières rouges et atteignit un tableau de commande. Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Cynthia, encore allongée, vaseuse. Une alerte pilote, répondit Paul en pianotant sur l'écran mural. La navette a dévié de sa trajectoire. Il faut que je monte au poste de pilotage. Cynthia se leva et le rejoignit dans le cockpit, illuminé par la frénésie électronique des écrans. Sur l'afficheur principal apparaissait leur destination, leur trajectoire et un objet stellaire inconnu à proximité. « C'est ça qui nous a déroutés, » observa Paul. « Je lance un sondage radar pour identifier de quoi il s'agit, » répliqua Cynthia. Après quelques instants, les résultats de l'analyse s'affichèrent sur l'écran. sous forme d'une longue liste d'éléments chimiques obscurs. Une majorité d'eau. Vu l'empreinte magnétique et la parabole qu'elle dessine, il s'agit d'une comète, conclut Paul, la comète Eos. Elle est répertoriée, mais à une orbite signalée comme aléatoire. C'est pour ça que nous n'avons pu anticiper cette alerte. Mais il pionnata de plus belle, resta interdit un instant, puis se tourna vers Cynthia. Nous allons être pris dans son sillage. Attache ta ceinture. Je passe en commande manuelle. L'instant d'après, les premières alarmes de collision retentirent, puis se multiplièrent, assourdissantes, à chaque débris de comète passant à proximité. Le vaisseau était secoué et pris dans de violentes turbulences. La coque résonnait de grincements de métal tordus et à travers la verrière du cockpit, on devinait la queue de la comète. Un brouillard de particules grisâtres qui naissait au loin pour grossir et foncer sur l'astronef comme une grêle. Soudain, tout s'éteignit. Et quand les écrans se rallumèrent, Paul émit un juron. Les moteurs nous ont lâchés. J'ai beau activer la contre-propulsion, nous sommes attirés par la comète. Nous allons nous écraser. Le calme qui régnait après le crash avait quelque chose de surréaliste. Juste des bruits d'instruments et Paul qui lisait le rapport s'affichant sur l'écran. La coque n'a rien, mais nous sommes enfoncés dans la glace et l'ordinateur signale une défaillance au niveau des déflecteurs orientables sur les réacteurs avant. Sans plus en dire à Cynthia, il se dirigea vers le quai d'accès de la navette afin de faire une sortie. Enfilant sa combinaison, il s'arrêta soudain, grimaçant la tête entre les mains. « Ça va aller ?» demanda Cynthia. « Mais oui !» Elle hésita, puis dit « Si tu ne te sens pas bien, je peux y aller à ta place !» La proposition provoqua un éclat de rire. « Oh, je t'en prie, ricana Paul, tu n'aurais pas la force physique et de toute façon, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. » Cynthia lui répliqua. « J'ai appris à vivre avec ta manie de vouloir toujours tout faire toi-même, tout contrôler, mais n'en profite pas pour me dénigrer et me traiter d'incapable. »« Tu trouves que c'est le moment de parler de ça ?» répondit Paul. Et de continuer en se coiffant de son scaphandre, va plutôt réinitialiser l'ordinateur central, si tu veux tant rendre utile, qu'il reconnaisse les pièces que je vais changer et qu'on puisse partir d'ici. Durant de longues minutes seulement le silence. Paul, tu me reçois ? Cynthia appelait via l'intercom. Mais son mari ne donnait pas signe de vie. Elle finit par rejoindre le quai de la navette, enfilant combinaison et scaphandre, puis alluma le brancard autonome qui lévita à mi-hauteur et se plaça derrière elle, prêt à la suivre. Elle activa la dépressurisation et sortit. La surface de la comète était semblable à une banquise, d'une glace lisse et brillante, seulement dominée de loin en loin par quelques bosses. Des collines hérissées d'étranges stalagmites inclinées par le vent. Cynthia fit le tour de la navette à demi enfoncée dans le sol gelé, mais ne trouva, pour toute trace de Paul, que sa mallette à outils abandonnée près du nez du vaisseau. Elle appela de nouveau à l'intercom, puis activa le système de géolocalisation de secours. Celui-ci situa Paul à près d'un kilomètre de la navette. Suivie par le brancard, affrontant un vent violent, elle avança vers la direction indiquée. Devant elle se forma bientôt un monticule de glace, marqué du point bleu sombre d'une caverne avec, au sol, une forme étendue. Son mari était là, inconscient. Cynthia commanda le brancard et celui-ci déploya deux grands bras mécaniques qui portèrent Paul et le déposèrent sur le matelas. Aussitôt se fit un premier diagnostic. Pas de blessure, mais le pouls était faible, irrégulier. « Cynthia !» La voix de Paul était traînante, sifflante. « Je suis là, » répondit-elle, « je te ramène au vaisseau. » Replongeant dans la tourmente, suivie du brancard, elle cherchait du regard la silhouette de la navette, au loin. « Cynthia !» hurla soudain Paul d'une voix inhumaine. La jeune femme se pencha sur lui. Au travers de sa visière, elle vit un visage rougi et boursouflé, dont les yeux injectés de sang et à demi sortis de leurs orbites côtoyaient une bouche distordue, dégueulant une langue violacée. Elle crut alors que la combinaison de Paul était percée et se dépressurisait. Puis elle vit s'exhaler de tous ses orifices une matière verdâtre et semi-liquide. « Cynthia !» La peau du visage, étirée à son maximum, finit par se déchirer comme un masque de papier, découvrant un crâne nu, à peine ou couvert par des chairs qui fondaient et se diluaient en cette chose verte et gluante. L'instant d'après, il éclata, brisant le scaphandre. Le corps de Paul tout entier convulsa, le moindre des os de son squelette explosant en des milliers d'esquilles qui déchiquetèrent sa combinaison. Par les trous ainsi créés se coulèrent au dehors des tentacules de gélatine verte vidant la tenue spatiale, charriant en eux les décombres du squelette. « Cynthia !» La chose l'appelait encore, comme l'aurait fait Paul. La jeune femme restait interdite, effrayée. Elle suivait à distance le brancard transportant cette scène d'horreur, n'osant pas s'en approcher, mais ayant à l'esprit que cette chose visqueuse qu'était devenue son époux se dirigeait vers la navette. Elle se mit à courir, gagner le sas avant ce monstre. Alors qu'elle passait à côté, la chose produisit un membre, une patte ayant pour griffe les fragments d'os, et qui tenta de l'attraper. Puis une autre patte, plus longue, se referma sur sa cheville, faisant trébucher la jeune femme. « Cynthia !» La créature avait roulé hors du brancard et rampait maintenant sur la glace, s'approchant de sa proie. Mais Cynthia ne se laissa pas faire. Tapant dessus, le saisissant à pleine main, elle se défit du tentacule et, voyant le brancard vide continuer son chemin, s'y agrippa. Elle flottait maintenant à bonne vitesse en direction de la navette. Contre son mollet, une sensation d'humidité et de froid. Son sang qui coulait et de l'air fuitant au travers de la déchirure. Un trou, son scaphandre perdait en pression. Il lui fallait faire vite. Derrière elle, le monstre visqueux se rapprochait, développant des semblants de pattes pour avancer plus vite. Cynthia ! Le brancard arriva au niveau du quai. Il survola la rampe d'accès et se gara à la place qui lui était dévolue. La jeune femme appuya sur le bouton commandant la fermeture de la porte, mais il était trop tard. La chose était là, matérialisant un nouveau tentacule qui se planta dans le matelas, à quelques centimètres de Cynthia. Elle sauta du brancard vers le premier sas et, dans un ultime effort, tendit le bras parvenant à atteindre le levier, forçant la pressurisation. Celle-ci enclenchée, la porte d'accès du quai se mit en branle, se refermant comme une mâchoire sur le corps limacien de la créature. Dans un cri, la masse gélatineuse se déchira, séparée de sa moitié. « Cynthia !» siffla-t-elle. Mais la pièce gagnait en atmosphère. Sous l'effet de la pression, le corps de la bête se rétractait, dégoulinant d'humeur translucide. Une série de spasmes, puis elle ne bougea plus. Cynthia regarda ses mains, puis son mollet couvert de restes de matière morveuse. Elle enleva sa combinaison et gagna le sas de décontamination. « Cynthia !» Dans un dernier soupir, la chose produisit un bras hérissé de crocs qui ne parvint qu'à heurter la porte déjà refermée. Le nuage de la douche dépolluante emplit la pièce. Elle avait attendu 2 jours dans la capsule de secours. Un vaisseau cargo s'était dérouté afin de la secourir. Puis, elle avait été transférée vers un de ces immenses astronefs de la HRG, destinés à la colonisation des planètes extérieures. Ce fut là, dans l'hôpital de cette ville flottant, dans l'espace que l'homme en uniforme vint la voir. « Je m'appelle Cameron, » dit-il, « et je suis le chef de la sécurité au sein de la HRG. » Il sortit de sa valise une tablette électronique et la tendit d'autorité à Cynthia. Sur l'écran s'affichaient 2 images. La première était une vidéo captée par la caméra oculaire d'un agent de la HRG. On y voyait des hommes en uniforme encerclant une créature similaire à celle que Cynthia avait affrontée sur la comète, et qui souillait de sa masse glauque et gluante la coursive immaculée d'un vaisseau. La seconde était une photographie, un portrait holographique, celui d'une jeune femme brune, plutôt jolie. « Elle s'appelait Mandy Weber », commenta Cameron. « Elle était en mission sur le HRG, Vulcain, en même temps que votre époux. » Et sur la vidéo, cette chose, c'est aussi Mandy Weber. Il la laissa un temps, puis se plaçant face à Cynthia lâcha. D'après nos informations, Mademoiselle Weber et votre mari avaient une liaison. Certes, elle avait déjà eu des soupçons. Elle savait que fatalement, Paul finirait par la tromper. Mais l'entendre énoncer ainsi et dans ces conditions laissa Cynthia abasourdie. Cameron continuait. « La chose qui vous a attaqué ne venait pas de cette comète. Elle était déjà en votre mari avant. Du fait de leur relation, Mandy Weaver et votre époux sont devenus les vecteurs d'une contamination. Nous avons analysé ce qui restait des 2 créatures après leur mort. Il ne s'agit pas d'un parasite ou d'un virus. Ça s'insinue au sein même des cellules du corps de son hôte, jusque dans l'ADN. Ça se les approprie, les fait muter. Cynthia restait immobile, de grosses larmes noyant son visage. Elle n'écoutait plus les explications de Cameron. Elle n'écoutait plus lorsqu'il lui signifia que les affaires de son mari devaient être réquisitionnées, analysées, désinfectées et au besoin détruites. Pas plus qu'elle n'écoutait quand il lui expliqua qu'elle allait devoir rester encore quelque temps à l'hôpital en observation, mais qu'elle pourrait bientôt rejoindre l'appartement qui leur avait été promis sur EC-M42. Elle n'écoutait plus, plongée dans ses souvenirs, ses pensées. Elle pensait à Paul, à toutes leurs disputes et à toutes les fois où ils avaient fait l'amour juste après, à toutes ces fois où il était venu en elle, où il avait déposé en elle autant de cellules de son corps, autant d'échantillons de son ADN, autant de germes de ce monstre vert. Elle pensait au fait qu'elle avait, depuis avant-hier, un retard de règles. Une forte migraine lui vrilla les tempes et elle entendit résonner une voix à l'intérieur d'elle, une voix sifflante et lancinante qui l'appelait. « Cynthia !» Ah, et voilà, c'est fini. Bon, j'espère que notre coronavirus chinois, là, va pas se transformer en monstre. Hein. Voilà, là, là. Allez, je vais vous laisser avec une musique, la chanson la plus triste qui déchire l'âme est un degré, point de suspension. À bientôt, j'espère, sur Radio Gémozo 107 FM.